La délégation des enseignants de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, conduite par Kwa Chol-soo, a déposé le 2 courant un bouquet de fleurs et rendu hommage devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sur la colline Mansu.